réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4h. Critique de Crowd, ça critique les foules. Et je critique les foules parce que je suis avec toi, Crowd. Je regarde le spectacle, puis je te regarde en même temps voir si c'est agréable de passer du temps de qualité avec toi. Est-ce que la musique fit avec tes mouvements et vice-versa? Ça va bien se passer et ça va être une foule assez surprenante, assez divisée. C'est bien à suivre. Alors, c'est spécial. J'ai envie de dire spécial Psycho Billy, puis ce serait un mensonge. Parce que je suis allée voir Coffin Cats qui était en spectacle vendredi dernier, vendredi 13, vendredi dernier au Lion d'Or. Mais il y avait aussi Goddamn Gallows qui font pas exactement dans du Psycho Billy, même que ça va amener une toute autre foule. Ça, je trouve ça assez intéressant comme situation crowdienne. Qu'est-ce que ça aurait fait comme line-up de soirée. Sinon, il y avait aussi Viva Le Vox et il y avait Hard Up que j'ai manqué parce que je ne suis pas à l'avance à mes spectacles. Et là là, et là là. Sur ce, ben, on va écouter de la musique parce qu'à la radio, c'est fort agréable. Et c'est faussement une nouveauté. Cette semaine m'apparaît dans mes courriels une nouveauté de Violet P. Alors, j'étais fort heureuse parce que je l'aime beaucoup. Et finalement, je réalise que sur son Bandcamp, c'est tout simplement sorti la version maquette de Les Huit de Julie Payette. Ouais. Mais c'est ça, c'est la version maquette, tout simplement. Alors, mais j'ai bien apprécié l'écoute parce que ça faisait plus épuré. Ouais, en quelque sorte. Alors, je t'invite à la réécouter de nouvelles, ouais, de ce tout nouvel angle qui n'est pas neuf. Enfin, fais ton opinion sur les ondes de CISM. J'ai lancé ma vie à la donne élastique, attachée à des barils de pétrole, à porte de la corde que je ne serai plus seul. Je m'attache plus souvent que je ne décolle. Il n'y a rien de grave, mais tout est important. Je ne tue pas tous ceux qui déconnent. Je parle un peu plus et j'enlève mes gants blancs. Je suis sûr que nos mains tatouées détonnent. Prête au décollage, direction les nuages, en apesanteur avec toi. En apesanteur, en apesanteur, en apesanteur avec toi. Je n'ai plus peur, aucun vertige, en apesanteur avec toi. J'ai brisé ce que j'ai mal à te donner élastique, attaché à une bouteille d'alcool, rattrapé mes crises en poème sincère. Tu sais, les paroles parfois sont énormes, elles soignent les fonds, elles filtrent les piscines, comme un thé vert en feu, élimine les toxines. Tes jolies lèvres me rappellent, à chaque fois que je me lève, je suis un astronaute en air. En apesanteur avec toi, en apesanteur, en apesanteur, en apesanteur avec toi. Je n'ai plus peur, aucun vertige, en apesanteur avec toi. We'll be right back. une autre version des huîtres de Julie Papillette, de Violette Pie. Et ouais, à vrai dire, je crois que j'avais beaucoup... en croyant que Violette Pie avait beaucoup de nouveautés sur son Bandcamp, c'est aussi parce que pour tous ceux qui possèdent en vrai l'album Manifeste contre la peur, vous le savez, il y a l'extension Manifeste contre la peur. Alors je me suis dit, un jour, elle va arriver puisque c'est en coffret double, mais il n'y a qu'un seul album. Je crois que c'est un peu pour... pour nous faire poser des questions, mais qui sait jamais, il pourrait bien y avoir un autre album, peut-être avec des versions seulement maquettes, comme vous venez d'entendre celle des huîtres de Julie Payette. Et oui, vous écoutez toujours la critique de Crowd, mais qui commence son émission avec ce spécial. Ben, j'aime ça que toutes les émissions de critique de Crowd sont spéciales. C'est un spécial Psycho Billy et... musique variée au Lion d'Or. J'aime beaucoup vous parler des salles de spectacle de Montréal parce que souvent, ben, elles ont une grande histoire et elles ont souvent différentes vies. Je pense à de nombreux théâtres qui étaient avant des cinémas de quartier. Fait que oui, ils changent de vacation, mais l'histoire du Lion d'Or est assez longue et assez intéressante. Merci. Je crois que ça vaut la peine d'en parler. Surtout si on considère, je sais pas, dans les tout début du Lion d'Or, on pourrait en quelque sorte compter qu'il a 88 ans! 88 ans! Je trouve ça quand même assez impressionnant, mais c'est sûr que, comme je dis, ça dépend comment tu le calcules, parce que ça a été racheté, il s'est passé bien des affaires. Parce que, voyez-vous, Crowd, mais en premier, le Lion d'Or, c'est l'Hôtel Papineau qui existe en 1923 et c'est administré par une femme, chose qui était assez rare à l'époque, Madame Leda Duhamel. Puis cet hôtel-là servait principalement à héberger les travailleurs qui construisaient le pont Jacques-Cartier, mais toute bonne chose a une fin, ben, il a fini d'être construit, tu sais, fait que le 24 juin 1930, ben, il fallait peut-être trouver une autre vocation à l'hôtel Papineau, qui est devenu par la suite... un deuxième étage, boum, le Lion d'Or. Là, l'affaire dans mes recherches, c'est que je sais pas pourquoi ça s'appelle le Lion d'Or. Et Colin, je crois quand même que c'est dû à l'époque glorieuse de Montréal, les années 30, et des lieux qui vont devenir mythiques et qui ont des noms fancy, tu sais. Je pense au Faisan Doré, Lion d'Or, Faisan Doré, on voit qu'on joue un peu dans le même style. Il y avait aussi le Mocambo à l'époque, et... une des différences peut-être avec certains cabarets de ces années-là, c'est que le cabaret Lion d'Or, il y avait toujours une vocation de cabaret de quartier, peut-être un peu moins, un peu plus populaire, un peu moins fancy, là, tu vois, c'est comme ma définition cute du Lion d'Or, parce que oui, là-bas, il se faisait des numéros de vaudeville, de danse, de chansons, des numéros satiriques, et la bière était pas chère, et les gens s'amusaient beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais si on creuse aussi son histoire, on peut voir que ça brasse au Lion d'Or à cette époque-là. Je tiens quand même à dire que c'est une chose du passé, parce que ça aurait été un lieu de prostitution. Ah! Ouais, c'est pour ça que je dis dans le passé, pas... Faut qu'on fasse des associations. Mais oui, ça brassait pas à peu près. Ça a l'air qu'il y avait eu même des fusillades. Il y a eu 4 meurtres. Ah ouais, ça, c'était assez animé. C'est pas mal un euphémisme dans ce cas-ci. Et ouais, quand je dis prostitution, ben c'est justement parce que les dames allaient racoler les gens au Lion et les ramenaient à l'hôtel en haut. Sinon, ça, je trouve ça intéressant, mais il existait aussi à l'époque des cigarette girls. Puis ça, ben, ils passent avec des paquets de tabac d'orchestre qu'on appellerait aujourd'hui de la marijuana. Et étant donné sa future légalisation, ben, je me demande si les cigarette girls vont revenir à la mode. Enfin, c'est à suivre, mais j'aime bien savoir que ça a déjà existé à une autre époque. Et le fait que ça brasse autant au Lion d'Or, c'est principalement dû au fait que les propriétaires, ils ont jamais voulu s'associer à la pègre. Fait que non, ils voulaient pas vendre leur drogue. Fait que ça attirait... Oui, ça leur a attiré des ennuis de pas avoir leur, entre guillemets, protection. Ça va même aller jusqu'en 1973 où le propriétaire et non notre belle grande Leda Duhamel, ben oui, le propriétaire Jacques Riel va être tué. Hein? C'est mystérieux. J'ai entendu dire ça, c'est du gros patinage montréalais, mais j'ai envie de te le compter quand même, Crowd, parce que c'est quand même croustillant. Il paraît, il paraît que ce serait son épouse, Leda, qui l'aurait poussé dans la rue. Ça, je trouve ça excellent. Je crois qu'on ne pourra pas savoir si c'est vrai. Tout ce qu'on sait, c'est que le propriétaire est décédé. Mais si c'est elle qui l'a poussé dans la rue, c'est quand même quelque chose. On jase. Mais bon, toute bonne chose. Encore une fois, une fin. Mais non, ça n'a pas rapport avec la construction du pont. Mais je dis toute bonne chose à une fin ou toute... Tout gros brassage se termine. Mais oui, on le sait bien avec Jean Drapeau qui va être élu. Mais il va vouloir, avec le chef de l'escouade de la moralité, là, faire une grande nettoyage des quartiers. Puis oui, ça va aussi affecter le Lion d'Or et aussi toute la dynamique montréalaise quand même. C'est une grosse époque qui se tourne à ce moment-là. Et même si ça a été partagé légué d'un membre de famille à un autre chez les Duhamel, ben le Lion d'Or va techniquement fermer en 1973. Et là, quand j'ai dit Potitaire, je trouve ça quand même fou parce que l'histoire est justement peut-être un peu racontée de oui dire et de ce qu'on a pu garder de ces histoires-là. Et il y a une expression qui dit « si les murs avaient des oreilles ». Ah, mais pourquoi? Pourquoi? Je veux pas, tu sais, c'est pas grave qu'il y ait des oreilles. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une grande gueule. Non, mais il pourrait nous en conter des affaires, je veux dire. Ouais, c'est vrai, il faut qu'il y ait quand même des oreilles pour pouvoir écouter, puis après ça, nous le raconter. Mais il y a des bouts que je crois qui nous échappent un peu dans l'histoire du Lion d'Or et que j'aimerais tellement entendre. Et si les murs pouvaient parler, parce que oui, ça a été rénové, mais il y a beaucoup de parties qui sont encore restaurées, mais qui restent des lieux de l'époque. Je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre. Hey, j'ai envie de te faire la suite de leur histoire bien rapidement, mais petite pause musicale. Allons entendre tout en thématique Jésus les filles, la chanson Un lion. Jésus les filles sur les ondes de CISM et Crowd, je vous remercie toujours d'appeler en direct. Et oui, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 514-342-476. Pour ceux qui l'ont pas en note, parce que je le donne pas souvent, mais vous appelez quand même. Et je tiens à raconter les anecdotes que Jean-Sébastien vient de me conter en ondes. Tu sais, j'ai dit les murs pourraient avoir une grande gueule, mais finalement, hein, notre famille nous jase assez pour le savoir. Mais comme de fait, le Lion d'Or, c'était assez élevé. Il a dit qu'un des... Un de ses grands-oncles. Ah, ça y est, je suis déjà en train de déformer. Mais oui, un ancien membre de sa famille, je veux dire son arbre généalogique, là, pas son père, aurait reçu un coup de 12 quand il est allé au Lion d'Or. Mais il a survécu. C'est capoté. Et sinon, mais il y avait d'autres petits cabarets où justement le petit Cono, juste à côté. Ouais! En tout, à Montréal, à cette époque-là, il y avait une quarantaine de cabarets. Alors, c'est pas étonnant qu'il y en avait autant sur la rue Ontario autant que sur Saint-Laurent à cette belle époque du Red Light. Et dans les autres anecdotes aussi, Alice Robbie aurait joué au Lion d'Or. Et elle a joué pas devant n'importe quel crowd. C'était devant juste des gars qui revenaient de la guerre. Méchant spectacle! Me demande-tu moi quelle ambiance ça pouvait avoir comme foule? Ce sera dans une autre vie, très certainement, cette critique de crowd. Mais poursuivons. Pour conclure, ben ouais, ce petit brin d'histoire. Parce que le Lion d'Or, ben oui, il y a eu une période vraiment élevée, mais... Mais on pourrait aussi dire qu'elle a eu aussi des périodes difficiles, comme dans les années 80, où... C'était devenu juste une place où il y avait des marchés aux puces. Hein? Je veux dire, un lieu rempli d'histoires qui il s'est passé donc ben trop d'affaires devient un marché aux puces. C'est sûr que, ouais, comme j'ai dit avec Jean Drapeau, c'est certain que ça brossait moins tout d'un coup. Fait que tout ce qu'il pouvait avoir de calme, tel qu'un marché aux puces, c'est vrai que ça pouvait peut-être convenir pour calmer ces lieux. Mais... Il a été récupéré, le Lion d'Or, en 1987. C'est les propriétaires du restaurant juste à côté, le petit extra, qui ont décidé, justement, de le rénover, de respecter le style dans lequel il a été fait, le style art déco. Fait que c'est tellement visionnaire de pouvoir décider de garder intact. C'est facile de vouloir rénover, de mettre au goût du jour, mais non. Puis ça a été encore respecté une autre fois en 2002, une nouvelle réfection du Lion d'Or, qui est à peu près comme on le connaît aujourd'hui. Parce que quand même, l'éclairage, le son, on a beau vouloir garder le cachet d'une autre époque, on veut le son d'aujourd'hui, on veut la qualité d'un spectacle d'aujourd'hui. C'est peut-être aussi deux aspects qui peuvent être difficiles des fois à rejoindre, mais je crois que le Lion d'Or le réussit bien. C'est-tu de ça que je suis pas souvent faire des critiques. La dernière fois que je vous en ai fait une, c'était durant les francs couvertes. C'est déjà un petit bout! C'était ce printemps. Alors, je suis très heureuse de vous faire cette critique de crowd. Assez rock! Je sais pas, mais je regarde la prog puis je trouvais que le spectacle ressortait particulièrement du lot. Et avec l'esthétique, justement, de la salle, je suis assez certaine que tout le monde dans la salle trouvait que le spectacle était bonifié par ça. Ça aurait pu être ailleurs. J'ai vraiment l'impression que comme spectacle et aussi pour le nombre de spectateurs que ça a attiré, ça aurait très bien pu se passer aux catacombes. Ah, vraiment, tu sais, c'est sûr que ça attire son lot de punk, de fans de Psychobilly. Puis oui, aux catacombes, ça aurait été bien parfait, mais avec la salle, puis c'était extrêmement tamisé. Mais je crois que tout ça, ça donnait vraiment un plus au show. Ouais. Sur ça, j'ai vraiment envie de vous donner comme moi un petit mot de plus. Je parle de Psychobilly et j'ai gratté fort pour vous trouver des bands en français qui font du Psychobilly. Alors, c'était une découverte pour moi cette semaine, même si le groupe n'est pas un groupe récent. C'est Washington Dead Cats, c'est un groupe français. Ils vont vous jouer une petite toune. Ça s'en va par là. Yeah. rien, car personne ne me dit quand il faut y aller. Sur le chemin tendre et de doute, un jour les mots coûtent que coûtent. Je suis recherché, recherché, recherché. Alors, je vous ai dit que j'ai bien cherché de des belles découvertes pour moi d'abord, oui, et pour vous surtout, chers auditeurs de La Marge, avec la chanson « Je voudrais être comme toi » de Washington Dead Cats. Mais, ouais, je le sais bien, c'est des classiques que je vous passe et je vous repasse sur les ondes de CISM. Surtout de Brains et la chanson « Après cette nuit », une de mes préférées de ce groupe montréalais, vous avez entendu, eh oui, « Après cette nuit », qui se retrouve sur leur album « Zombie Nation » et autres chansons que je vous passe souvent, alors recherchez de Gutter Demons sur leur album Misery Madness and Murder Lullabies. Après les publicités, écoute, on va aller voir le spectacle et allons voir cette crowd de Viva La Vox, Goddamn Gallows et Coffin Cats après les publicités. À tout de suite. Au spectacle son. Lundi 16 juillet, série compositeur jazz. Mardi 17 juillet, en 5 à 7, Yuko Show. Et en soirée, Grabuge, Comme je t'aime, show bénéfice. Mercredi 18 juillet, Rachel Beck et Adden Tones. Jeudi 19 juillet, Vertige et Roth Gentleman. Vendredi 20 juillet, lancement d'album de Marie Zibyl avec Rock Albert. Samedi 21 juillet, End of the Week, édition Interligue. Quai des Brumes, coin Saint-Denis et Mont-Royal. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Hey Gab, t'as-tu le temps pour une bière après ton cours? Ben certain, mais je t'avoue que j'aurais le goût de boire autre chose que de la bière commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à aller au Medley Simple Malt. Le Medley Simple Malt? Ben oui, c'est le bar Simple Malt Brasseur au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. Ils ont tous les grands classiques de bière brassés au Québec puis en fût à part de ça. Wow, là tu jases. On se rejoint là-bas après mon cours? Parfait, à tantôt! Simple Malte Brasseur, de la vraie bonne bière en vente presque partout. Commotion, agitateur des cultures propulsé par Desjardins, présente Sam Breton. Allô Laval, le 20 juillet prochain, je t'invite à venir voir le rodage de mon premier one-man show. Tu vas voir ce scène, tu viens, tu vas rire, puis après ça, on finit ça au Mumba, toute la gang ensemble, deux, trois shooters de shower pouce dans le nez, la voix de l'enfer, j'ai déjà hâte. OK, je m'en vais prendre ma douche, bye-bye. Ne manquez pas Sam Breton le 20 juillet à la Maison des Arts de Laval, située à 450 mètres du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Le Beach Club est la destination parfaite pour toi cet été. Des spectacles à tous les week-ends, incluant Tiesto, Sean Paul, Rick Ross, Martin Garrix, Zomboy, Cascade, Nicky Jam, Migos, Axwell Ingrosso et plusieurs autres. Procure-toi tes billets au www.beachclub.com. Beach Day, every day. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Commotion, agitateur de culture propulsé par Desjardins, présente le nouveau spectacle de Sexe illégal. Hey, salut les jeunes, c'est nous Sexe illégal en direct de ta radio préférée. On vous annonce qu'on va être en spectacle le 26 juillet prochain à l'annexe 3 de la salle André Mathieu, et ça, c'est à Laval. Et oui, c'est non seulement à Laval, mais c'est aussi à 250 mètres du métro pour les pauvres. Pour les riches, on parle d'environ une couple d'heures de voiture en BMW du 10-30. Alors, on vous attend! Mais non, on vous attend pas, c'est dans un mois. OK, on vous attend pas d'abord. Merci! Ne manque pas Sexe illégal dans l'ambiance électrisante de l'annexe 3 le 26 juillet prochain. Situé à 250 mètres du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Vous écoutez CISM 89.3 FM. D'entendre Miss France qui ont sorti un nouvel album la semaine dernière. Je sais pas, je m'en voulais de pas vous l'avoir passé le plus rapidement possible. Alors voilà, c'est fait. Vous avez entendu la chanson de toi aussi, Miss France, que j'avais eu l'occasion de voir au Bistrot de Paris l'année dernière. Un groupe merveilleusement survolté tout en restant en chemise boutonnée, toute boutonnée. Alors voilà, vous écoutez Critique de Crowd et ce sera à suivre pour une prochaine Critique de Crowd de Miss France parce que à ce que je cherche, ils redescendent pas bientôt au Québec. Mais j'ai tout plein de suggestions de spectacles à vous faire. C'est des suggestions évidemment bien personnelles. C'est juste... Je regardais les suggestions de spectacles, puis ouais, c'est sûr que je préfère et je valorise toujours les suggestions musicales. Fait que même s'il y a toutes sortes de festivals, il y en a qui viennent moins me chercher que d'autres. Alors, ceci était une parenthèse. Ouh! Alors, ce soir, il y a Tété dans le cadre des Nuits d'Afrique au Théâtre Fairmount. Et si tu es plus métalleux, bien, c'est le lancement d'un album de Depths of Hatred qui vont jouer au Piranha Bar vendredi, tout en rock. Ça va être The Heffens avec Ad X, Lightbulb, Ali et Dangerines à la Vitrolla. Samedi, Hey, une suggestion à l'extérieur de Montréal, peux-tu craire? Ouais, des fois c'est possible, surtout quand c'est des gentils punks. Ben oui, c'est le label Thousand Islands qui font un fest, pourquoi pas? Puis c'est même le deuxième, Colin. Fait que ça se passe au centre d'art de la petite église avec des prestations acoustiques et électriques. Alors, ce sera un ou l'autre avec tous les groupes que je vous suggère d'aller voir, dont Guerlain Poubelle, Lost Love, Frank Cousteau, Céline Bach, Route Saint-Louis, Mental Fix, plusieurs de ces groupes, je les ai découverts grâce à la compilation Satire de notre cher Eric, ancien animateur de CISM. Alors, allez écouter sa compilation et allez par la suite les découvrir en vrai de vrai au Thousand Islands ce vendredi. Ah, lapsus, ce samedi, trompe-toi pas, c'est ce samedi à Saint-Eustache. Et sinon, samedi également, il va y avoir Little Junior à la brasserie Beaubien. Et je trouve toujours qu'il y a une très belle ambiance à la brasserie Beaubien. Fait que vas-y gaiement. Dimanche, je viens de mentionner Guerlain Poubelle, mais la semaine dernière, je vous ai fait une critique de Crowd 2 autres, puisqu'ils étaient en spectacle au ministère. Mais Colin, ils ont dit qu'ils allaient faire un spectacle caché. Fait que je te... je te scoop. Gros secret qu'il le sera moins à partir de maintenant. Spectacle ce dimanche à l'ESCO. Vas-y à l'avance, parce qu'il n'y a pas de billets en vente avant, là, fait que c'est premier arrivé, premier servi. Sinon, dimanche, dans un... dans une autre circonstance musicale complète, là, yeah boy! Si tu aimes le New Age, si tu es curieux du New Age, si tu te dis, ça pourrait faire une expérience complètement unique, effectivement, mais il y a Yanni! Yanni va être au Centre Bell! J'en ai pas d'autres mots. Lundi, les Beach Boys vont être en spectacle. Certains ont des fans, là, ont des doutes sur les membres qui vont être présents. Alors, peut-être es-tu curieux, peut-être veux-tu les voir. C'est sur Saint-Laurent, fait que je te suggère de te promener, puis à un moment donné, tu vas bien les trouver. Sinon, lundi également, ça, c'est une... c'est une suggestion pas du tout CISM, là, musicalement parlant, mais en même temps, je me disais, s'il y a une personne qui écoute en ce moment CISM puis qui y va, j'aimerais bien avoir une critique de Crowd de Azap Ferg qui va être au New City Gaz. Parce qu'effectivement, je ne suis toujours pas allée au New City Gaz. Peut-être parce que, ouais, peut-être qu'on ne pas trop en genre, mais je serais bien curieuse d'avoir quelques informations sur comment était l'ambiance. Finalement, mardi. Ouais, c'est une drôle de suggestion. Parce que dans le fond, je vous incite à aller à Fantasia, mais ça a commencé le 12 juillet puis ça finit le 1er août. Fait que pourquoi ce mardi-là? Aucune bonne raison. Finalement, mercredi, Fleet Fox vont être au Théâtre Corona. On continue en musique avec le palmarès francophone de CISM. C'est pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas à la fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières cheap step, se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas, fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre sur 96. On joue à même le sol, dormir, la poussière va toute seule, ouais. Feedback colossus, vague de chaleur trempée dans nos chandails. Tympan percé par les cymbales, ramer jusqu'à l'autre bord du fleuve, retour au bercail. Passer au travers du cachet, tout mis ça dans le taxi, puis la boréale. J'ai vomi sur le tapis, je sais pas trop où on s'en va, je m'en fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes de trottoir, caler les bières cheap snip, se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Next big thing, warming next week. La tuque ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière aile de casualty. Typique Lively, 2h du matin, encore stock, chantier baby sweet dreams. Ils s'en foutent leur piste, mais certaines n'ont pas appelé. Comme un long dimanche, ceux qui vivent leur vie. Mais j'aimerais qu'elle commence, tu finis dès lundi. Tu choisis où tu traces ton silver lining. C'est pas l'idée. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine, on ira faire un tour de chaque dans la terre, c'est le 96. Comme les chaînes de trottoir. Je me trouve laide Je vous avais bien un peu présenté avant de les entendre. Vous avez entendu Les Louanges, la chanson Tercelle, qui est en première position du palmarès francophone. Cette chanson se retrouve sur son album La Nuit est une panthère. Et sinon, vous avez entendu la deuxième position. Ben ouais, des fois ça, il triomphe sur ce palmarès. Commande de bord et leur chanson Je me trouve laide, qui se retrouve sur leur album. Et puis, mais oui, c'est un album court du même nom, Commande de bord. Et pour découvrir tous ces albums qui sont pas nécessairement encore tous parus, qui sont à paraître, parce que des singles, c'est bien agréable, ben va sur le site de CISM, CISM893.ca. Il y a de la découverte musicale anglo, franco, instru et tout plein d'autres onglets à cliquer et à recliquer. C'est fort agréable. Et sinon, ben tu écoutes Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et sinon, ben voilà, je suis bien rendue à cette critique avec Viva Le Vox, Coffin Cats, puis Goddamn Gallows. C'est pas pour rien que là j'hésite, c'est parce que... Soyons bien honnêtes, je ne connaissais pas du tout ces groupes avant de savoir qu'ils allaient être en spectacle le vendredi 13 au Lion d'Or. Et comme j'ai dit en début d'émission, je crois que c'est vraiment en connaissant plus ou moins le type d'esthétique musicale à quoi j'avais affaire et la salle que je me suis dit, allons-y, allons à la découverte. Et ça va être plein de belles, bien une belle surprise déjà en rentrant dans la salle. Et en rentrant dans la salle, bon, dis même, c'est un peu banal. Là. Oui, j'ai attendu, tu sais, les billets, bonjour, les petites étampes, blabla. Chose quand même surprenante parce que la personne qui était devant moi me parlait avec la personne qui organisait le spectacle. Elle disait, le même soir, il y a un spectacle de Cold Folks puis Scrap Matou. Je sais pas dans quelle salle, pour être honnête, ça se passait, parce que j'ai le flyer devant moi puis c'est zéro clair. Colin, je crois que c'est au fatal. Peut-être. Enfin, faudrait que je fasse mes recherches pour mieux vous apprendre des choses sur les ondes de CISM. Reste que la personne demandait si elle pouvait comme partager les flyers, même si c'était le même soir puis que ça fait des... rentrer peut-être, tu sais, pas en conflit d'intérêts, mais en même temps, tu sais, justement, qu'ils voulaient pas se nuire l'un l'autre. C'était organisé, si je me trompe pas, par les productions Bobette. Bobette Productions. Enfin, la personne qui organisait le show le même soir était bien au courant qu'elle allait attirer à peu près le même titre de crowd, puis était comme, ah oui, j'en ai déjà des flyers, puis elle allait sortir une trollée sur le comptoir. C'était assez généreux, je trouvais, dans les deux sens, à la fois d'en avoir autant de flyers à partager. Elle s'est dit, ah, le spectacle va commencer plus tard, les gens vont pouvoir aller là par la suite, mais aussi d'être aussi consciente dans quel monde elle avait affaire, quel type de gens elle allait attirer pour savoir que c'était un peu triste qu'il y ait deux spectacles en même temps qui pouvaient attirer à peu près les mêmes gens. Et moi, en même temps, j'étais tout à fait en mes connaissances de cause. C'est un des premiers commentaires que j'ai entendu dans la foule, comme quoi c'était assez flagrant. Qui allait voir quoi? Qui allait voir quelle band? C'était divisé. Puis, en même temps, ouais, je le réalisais, mais tu le réalises. Je l'ai réalisé d'autant plus au fur et à mesure du spectacle, mais en rentrant, ben oui, il y a des gens qui ont un style plus rockabilly, psychobilly, et sinon, il y a une bonne part de punk avec des beaux t-shirts de SNFU, Sale Majesté, Motherhead, Addicts. Il y a aussi, il y avait un gars qui avait une salopette, mais il n'y avait rien d'autre. Non, il y avait une casquette, c'est vrai. Non, mais en salopette, mais juste assez pour comme recouvrir un peu ton torse, mais pas plus qu'il faut, parce que tu vas avoir chaud, parce que tu vas te donner. Et quand même, les gens peuvent paraître bien colorés, mais il y avait... il était cute! Il y avait un couple, genre, je sais pas moi, dans la quarantaine, qui était tout sagement placé à côté de la scène du début à la fin du spectacle. Mais vraiment, sur le côté, j'avoue que j'aime bien cet aspect-là du Lion d'Or, parce que la scène, elle dépasse juste un peu sur le côté. Et tu peux te mettre très proche du groupe tout en étant, tu sais, sans être intrusif, puis sans non plus obstruer la vue de d'autres spectateurs ou juste avoir l'air, je sais pas, de se permettre un peu. Mais non, l'espace est là, autant le prendre. Et ils l'ont vraiment pris, ce petit coin-là de scène pour pouvoir regarder le spectacle de façon très attentive. Je les ai trouvés vraiment adorables. Mais sinon, comme vous pouvez constater, il y a peut-être un petit clash entre punk, cross-punk, puis les psychobilly. Mais c'est drôle, je pense qu'en rentrant, je trouvais ça pas... même si ça l'est esthétiquement, là, même si on pourrait dire que c'est marqué, je pense que je le réalisais pas autant que durant le spectacle, comme je vous dis. Alors, voilà pour ouais, ce petit début où la salle est extrêmement tamisée. Fait que, ouais, des fois, on sait pas trop quand est-ce que le show commence ou il commence pas. Tu sais, le test de son, il peut être excellent. Fait que tu te dis, est-ce que c'est parti? Ah, non. Et ça va commencer dans mon cas, parce que oui, comme je vous ai dit... ouais, je sais, je suis arrivée en retard. Ben, j'ai vu Viva Le Vox, qui est un groupe qui existe depuis 2008. Oh! Je vois que c'est un peu comme Goddamn Gallows. J'ai l'impression que c'est un peu dur de vraiment bien les étiqueter, là, de leurs propres mots. Ils font dans l'expérimental punk rock, mais il y a aussi du blues ragtime à l'intérieur. Ils viennent de Floride. Et ouais, c'est assez... C'est pas éclectique, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même varié dans leur son. Et peut-être même d'une chanson à l'autre. J'ai l'impression qu'un petit bout, ça faisait un peu reggae, c'est pour vous dire. Alors... ce qui est genre encore plus marquant, je crois que c'est... j'ai envie de dire l'accoutrement du groupe. C'est pas tant l'accoutrement que le micro du chanteur. Ça n'avait aucun sens. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait une espèce de... d'armature. Comme écoute, c'était du fait maison, là. C'était assez extraordinaire. Pour faire tenir un micro-casque, mais tout ça était patenté pour que ça soit soutenu par son chest. Pas juste un micro-casque qui se tient derrière la tête et ça pourrait être fancy, coquet, discret. Non, non, non, là. Ça faisait quasiment steampunk, là, pour vous dire comment c'était un peu déglingandé comme patente et que ça prenait quand même beaucoup de place. Ce qui était encore plus drôle, c'est qu'il y avait un micro, tu sais, un peu old school. Un micro-pied sur scène. Et pourquoi? Il s'en est jamais servi à cause de son micro-casque qui était si incroyable. Fait que, ouais, il était bien équipé. C'était peut-être au cas où que sa propre création ne poursuive pas la route tout le long du spectacle qu'il y avait le micro-pied. Peut-être j'ai cligné des yeux au moment, mais je l'ai jamais vu chanter. Ben, dans le micro-pied, là, il chantait tout le long du spectacle, là, soyons clairs. Sinon, ben écoute, ils sont quand même agréables, je trouve, à regarder. Le contrebassiste qui est nu-pied est très ondulant avec son instrument. Il y a quelque chose de un peu théâtral, je crois, dans leur mimique, leur façon de bouger aussi. Mais dans la foule, c'est pas encore tout à fait conquis parce que ça jase beaucoup et ça jase fort. Ah ouais. Puis en plus, moi, j'étais très mal placée au départ. La table de merch était collée à l'entrée. Fait qu'il y avait déjà de l'achalandage, plus la jasette. Fallait quand même plus s'installer en milieu de salle pour avoir une meilleure écoute, je vous dirais, là. Première rangée, ça fait quand même une demi-lune assez loin de la scène, mais on voit que les gens se swingent un peu du pied et même, ça va swinguer tout simplement une belle danse en duo d'un couple. Là, je dis swing, puis je voudrais pas offenser tous les spécialistes des domaines de la danse... rock'n'roll et... ouais, je vais utiliser swing pour le terme le plus vaste en espérant que ce soit le bon. Je faisais de la recherche ce matin puis j'aurais bien voulu comme vous utiliser les termes précis, mais je crois... si tu es un spécialiste et que tu écoutes en ce moment c'est ISM, j'ai vraiment envie de te jaser. Parce que j'arrêtais pas de regarder des vidéos, tu sais, puis je me disais comme... D'accord, je vois les différences, mais après ça, je veux dire, dans la foule, on n'est pas en train non plus de faire mille et une pirouettes, alors qu'est-ce qui définit exactement les différences de swing? Aïe, aïe, aïe! Bref, je l'ai trouvé quand même assez excellent, quand même assez technique. C'était pas juste en train de se dandiner pour être un peu dans l'ambiance du spectacle. On voyait que les deux personnes avaient de l'expérience, mais ça gardait une certaine légèreté dans leur swing. Tu sais, ça commençait doucement, puis après ça, ils ont pris un peu plus d'espace pour danser, même s'ils sont restés comme dans le coin. Ils étaient comme dans le coin avant, à gauche. C'était pas... ça upstageait pas, ça prenait pas trop de place, mais j'ai trouvé que c'était une très belle liberté. Je pensais qu'on allait en voir plus durant la soirée, puis j'ai l'impression que ça a été la fois la plus marquante. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que là, ils ont dansé à deux, là, ils sont arrêtés, puis le gars, ben, il a décidé d'enlever son t-shirt pour juste danser en bédaine. Fait que soit il se dansait à deux, soit il dansait avec sa bédaine. Fait que c'est une façon de voir les choses. Ah, puis il était nu-pied, comme le contrebassiste. C'était dans le mot du moment d'être le moins habillé possible. On était quand même, ouais, à l'air climatisé. C'était quand même pas si pire encore la chaleur dans la salle. Mais même si ça aura beaucoup jasé au début, je vous dirais que par ce couple-là, puis oui, il y a une certaine ambiance en avant, j'ai l'impression que oui, il y avait quoi d'intéressant durant Viva la Vox. Bon, là, le moment un peu plate, c'est que je vous en parle, mais je vous ai pas préparé d'extrait, alors on va les découvrir sur les internets parce que des fois, critique de crowd, manque d'organisation. Sur ce, je crois que c'est un groupe qui doit avoir des fans communs et avec Viva la Vox et avec Goddamn Gallows. C'est pour la raison que je vous les passe. Teinte à mort sur les ondes de CISM avec la chanson Downtown. Je médite en regardant mon ombre dans un parc. Me dis que le soleil se sert de moi comme obstacle. Et observer le contraste de mon corps enflé inversé. Ça, c'est mon mode de gun, bonne moitié de moi qui est éclairé. C'est sûr, c'est l'été, y'a une chose qui est claire. C'est que tu vois ton ombre bien plus souvent qu'en hiver. Sauf downtown. Le monde sont bien trop en amour avec leur tour. Le no man's land, il fait frais, mais les moutons y ont toujours de la laine. À l'ombre, ils sont bien, il fait pas trop chaud. Puis si le soleil frappe, faut y'a la crème dans le bureau. Depuis le contrôle du feu jusqu'à la température, ils broutent le soleil parce qu'il leur fait la vie dure. Ça se voit downtown. Les gens veulent pas de chaleur, mais ça boit là. Je leur demande c'est quoi le trip avec le tout si haut. Puis je comprends que quand il pleut t'es un parapluie. Mais tes lunettes fumées t'en as sûrement pas besoin ici. C'est tellement sombre les lampes à terre de fenêtre ou pas. Genre l'allégorie, la caverne moderne en l'envers. Ils me disent downtown. On se fait pas d'illusions mais des millions. Je me dis que le monde ici ont rien à m'apporter d'utile. Sur tête de bouquet, le SDF, quoi tout dit. Moi, il demandait qu'est-ce qu'il y a pas de bon à me dire. Il me dit la vie me chie dessus, j'suis perdu dans le fond du trou. Le soleil, je cherche plus de l'époque avec sous. Ça se voit downtown. Produit la misère, ça n'a pas lieu. Comme l'alcool est proche de l'élément d'immense. Même pour leur crier, arrêtez de travailler. C'est l'été, faudrait au moins en profiter. Mais non, il y a dans le deux semaines de congé. Ça s'arrive 22 fois par année. Fait que je retourne un peu respirer du bonheur. Si jamais il fait trop chaud, il y aura toujours l'ombre des arbres ou de la petite bière. En se disant que downtown, c'est la dernière place où je voudrais être. What is it? la boucane dans les yeux. À l'estomac, je sens le feu. Comme c'est dansé, je ne pense qu'à toi. L'odeur fumée me rend dans le nez. Je n'ai pas eu assez d'années. Et tout à coup, mon verre est vide. Tous les matris, ils se délogent, ils vont s'enfuir vers le sommeil. Sur l'autoroute, l'estime de soi, un coup d'épile des vieux rois, et tout à coup, mon verre est vide. Seul, notre univers, il ferme sa gueule, je vois trop foutu, la veille à terre. C'est pas les gros, je les ai testés, il marchera d'ici le matin, et cette veille, mon verre est vide. Mon verre est vide de Steady Swagger. Je vous l'ai mis parce que avec le flyer que je vous ai parlé à mon arrivée au spectacle, il y en avait un second, celui qui annonçait le spectacle de That Handsome Devil, où il y aura également, ben oui, de Steady Swagger qui viennent de sortir un nouvel album. Parce que sortir un vieil album, ben c'est possible, mais on appelle ça une réédition. Fait que voilà. Alors, Steady Swagger en spectacle au Petit Campus le 27 juillet. Alors, soyez-y, soyez-y. Et ben oui, on a aussi entendu Teinte à mort avec la chanson Downtown et qui se retrouve sur leur album Théorème du nombre critique. Et je vous ai mis ces groupes parce que, ouais, je trouve vraiment que ça fit. Je suis certaine qu'il y a les mêmes fans québécois de ces groupes et de Goddamn Gallows. Pour la pseudo-gypsy, là, faut le dire. Mais quoi qu'on va aller en entendre tantôt, là, vous pourrez voir aussi les certaines ressemblances musicales, même si leur plus... Je ne suis pas une grande connaisseur, là, parce que, comme je vous ai dit, je les découvrais, mais leur plus récent album, là, je trouve qu'il y a quand même plus une touche métal. Mais oui, c'est pour ça qu'ils m'accrochent un peu plus. Mais sinon, ça fait dans le rockabilly, psychobilly, punk rock, en passant par le Bluegrass. Mais Goddamn Gallows, c'est tout un groupe. Mon Dieu, en regardant leur bio, j'espérais que tout était vrai. Mais en même temps, pourquoi pas? C'est un groupe qui... justement, t'es gypsy, mais aussi dans leur façon de vivre. Ils se sont promenés là, de Portland à l'Oregon jusqu'en Californie, où ils se sont mis à vivre genre dans des bâtiments abandonnés, des squats. Puis en 2007, ils ont juste décidé de passer les 4 années à suivre en voiture, puis d'aller comme d'une ville à l'autre. Puis c'est comme ça qu'ils ont rencontré plein de musiciens. Puis ils ont comme créé un genre qui dénomme le Robocore. Ça me fait quand même rire. Mais sinon, Gypsy Punk, mais là, quand même, on peut quand même voir. Quand même, plus souvent, des groupes s'appellent Gypsy Punk Robocore ou du Americana Punk. Tu vois, un peu dans les eaux. Parce que, avec tous les musiciens qu'ils rencontraient, ça pouvait rajouter de la planche à laver, de l'accordéon, de la mandoline, du banjo. Puis il va y avoir du banjo électrique. Ce soir-là au Lion d'Or. Banjo électrique, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était assez... C'est déjà assez incroyable. Ouais, d'avoir ça pour la variété musicale. Enfin, ils sont assez colorés sur scène. Et on voit tout de suite que les gens sont... là, j'en parle comme de façon générale, parce que je fais pas exactement la distinction dans la foule, comme je vous dis. Mais dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, tout le monde est venu pour eux autres. Les gens sont collés sur la scène. C'est pas la fin de la soirée, là. Il reste encore un autre groupe en passant, là. Mais quand même, les gens sont collés à la scène. Et après 30 secondes, le trash, il part. Ce qui est aussi intéressant à mentionner, c'est que le trash va aussi s'assagir dans la même chanson. Fait que ça explose et ça se résorbe assez rapidement. Fait que, ouais, le trash va comme ça varier dans sa présence, mais ouais, justement, va toujours être là. Peut-être qu'on a envie de prendre du temps pour regarder le groupe. Ah, oh, le bassiste, le contrebassiste, devrais-je dire, il est... il fait plein de simagrées. Je sais pas à quel point ils sont pas subtils pour les mimes qu'il fait, mais ils prennent pas beaucoup de place sur scène. Fait que, je sais pas, mais quand des fois il faisait des signes de gun sous sa tempe, sous sa barbe, oui, c'était plutôt menaçant pour son intégrité physique, même si ça reste... Ouais, ça reste un mime, Jolene, ça reste un mime. Mais reste qu'après ça, il nous a fait des mimes! Oh, menaçant! Il nous écrasait avec ses doigts! Oh! Il nous tuait! Il nous écrabouillait avec ses doigts! Fait qu'il faisait plein de choses comme ça. Il a aussi fait un... OK, des fois, ça peut avoir des circonstances avec la musique, là, quand même, parce qu'il a aussi fait des signes de quittement. Et le quit s'est terminé en... Pardonnez-moi l'expression, mais ça terminait en fist-fuck. Fuck, ça pouvait être assez explicite, mais de là à dire que tout le monde le remarquait, tu sais, il était dans son coin, il bougeait pas vraiment, tu sais, il faisait ça à côté de son instrument, tu sais, quand il jouait juste d'une corde avec un doigt, il se permettait avec l'autre de faire des petites singeries de la sorte. Fuck, je sais, ouais! Je pense que c'est assez marquant. Enfin, moi, j'étais juste à côté, fait que j'arrêtais pas de le regarder. J'étais comme, oh mon Dieu, il est ben drôle puis il est ben inattendu. Quoique, quand tu connais le groupe, tu dois aussi connaître leur humour et leur style. Ben, il leur fait même des doigts d'honneur. Il a fait des doigts d'honneur à ses partenaires de travail sur scène, comme ça. Ben ouais. Fait que, ben, encore une fois, ça avait des circonstances à la fois avec le spectacle, à la fois avec la musique. Mais disons que je trouve qu'il donne beaucoup le ton avec ouais, son humour avec les autres musiciens qui sont peut-être un peu, ouais, j'allais dire un peu plus affairés. Enfin, c'est lui que je trouve le plus comique du groupe. Dans le pitch, je sais pas si j'ai halluciné, mais j'ai l'impression que quelqu'un a essayé de marcher ses mains. Je sais pas, ça doit être l'aspect... ça doit être l'aspect gypsy punk. Tu sais, je me dis, ah, sûrement, c'est possible. Tu sais, dans un autre genre musical, je pense que je me serais dit, ah, Jolene, t'hallucines, mais cette fois-là, j'ai des sérieux doutes. Mais autrement, les pousser... Ouais, c'est... Ça va pousser ici et là. Des fois, j'ai l'impression que ça fait juste un peu, je sais pas, comme se tortiller, tu sais, juste comme, ouais, filer l'ambiance, on est dedans. Des fois, ça va se calmer, puis pff, ça explose. Je pense qu'il y a une chanson qui était plutôt calme, mais la finale était intense, puis j'ai beaucoup apprécié ça. Pas juste parce que le trash était sporadique, mais on voyait aussi qu'il y avait une certaine écoute. Comme là, la musique était plus calme au début, ça explose à la fin, puis on voyait aussi que c'était explosif dans le pit. Fait que ça, je l'apprécie. Ouais, toujours! Je trouve ça important qu'on fasse pas juste trasher pour trasher, que c'est une bonne corrélation, à la fois avec le plaisir qu'on a de vivre la musique, mais aussi, ouais, justement, qu'est-ce qui se passe dans la musique. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens étaient un peu effrénés. Fait qu'à chaque fois, c'était tranquille. Dans le pit, j'avais comme un feeling que les gens, ils étaient comme les joggeurs quand ils pognent une rouge puis ils continuent de jogger sur place. Tu sais, ils sont un petit peu sénères, tu sais, comme ils veulent garder leur beat pour pouvoir mieux recommencer plus tard. Mais je trouve que c'était à peu près ça aussi dans le pit. Ah, on reste réchauffé. On veut juste rester dedans. Ah! Fait que, ouais, je crois que les gens étaient festifs et heureux de voir Goddamn Gallows. Et la preuve, ben oui, Le rappel. Mais non, il n'y en aura pas de rappel parce que ce n'est pas, entre guillemets, la tête d'affiche. Mais on voit clairement, et comme des gens avaient déjà affirmé avant même le début de ces prestations-là, que c'était distinct dans la foule que des gens qui étaient venus juste pour Goddamn Gallows. C'était acclamé, je veux dire, ça tape du pied, ça réclame à la fin quand elle criait « One more », c'était plaintif, quelque chose un peu, c'est engagé, mais ils sont un peu enragés, parce qu'ils sont comme « Come on, on la veut », puis ça arrivera pas, et je trouve ça intéressant, pourquoi il n'y aurait pas pu en avoir un, est-ce que faire un rappel à un groupe qui n'est pas la tête d'affiche. Et supposons que la tête d'affiche ne donne pas de rappel, ce serait quoi, là? Disons, ce que ça donne comme perception qu'il aurait dû être inversé pour cette soirée-là, que les gens étaient plus venus pour le deuxième que pour le premier. On n'est pas encore dans le futur, là. Je sais pas encore comment ça va se passer. Pourquoi? Ouais! Pourquoi le rappel? Je trouve qu'on le questionne de plus en plus. Quelle est la raison de faire un rappel? Tu sais, des fois, c'était tellement prévisible. On le sait qu'il va en avoir un quand t'as pas joué la toune que tout le monde attend, que t'as pas joué ton classique. J'ai pas fait la recherche et je devrais la faire pour vous, chers auditeurs de la marge, mais d'où vient le tout premier rappel de l'histoire de la musique? Je crois qu'il est pas facile à trouver. Là. Peut-être qu'il n'est pas répertorié non plus. Mais surtout, comme le premier band qui se demandait un rappel, devais-tu pas comprendre c'était quoi? Il était comme, mais qu'est-ce que les gens veulent? Ou genre, ils réalisent que les gens, ils veulent avoir de la musique. Là, déjà, ils se disent, mais on n'a plus rien à jouer. Ou après, ils font comme, Eh, mon Dieu, ils nous veulent tellement comme... Ils veulent qu'on revienne. C'est bien bizarre. Je sais pas le feeling qu'a eu le premier groupe. Et qui a eu l'idée de les faire revenir? Est-ce que c'est genre les gens acclamaient tellement... que, naturellement, le groupe est revenu. On dit, ben écoute, ils sont tellement heureux, on pourrait continuer de partir. Comme, où est venu le mécanisme du rappel? Parce que là, à ce moment-là précis, je trouve qu'il aurait été plus légitime d'avoir un rappel que pas en avoir, qu'à bien des places où on a un rappel, puis qu'on se dit, mais c'est du décorum. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sur ce... on s'en va écouter Goddamn Gallows. Ils ont sorti un nouvel album cette année et la chanson qu'on s'en va entendre, c'est City of Fools sur The Trial. Strong, then we start to speak in tongues there. Oh, when they leave, where will we go? When they leave us, where the fuck are we gonna go? He will go to the city of fools. He will be set loose. No matter what we've done, well, what I say, we will go to the city of fools. Just flash in your crooked mouth and you will find your kill. You'll find your kill. We go mad cause we can't cope. Just remember it's your diagnose. And when we're sick from your cure, just remember our medicine is fucking pure. Oh, when they leave, where will we go? When they leave us, where the fuck are we gonna go? We will go to the city of fools. Peter, please take your seat. Just flashing your crooked smile. Goddamn Gallows sur les ondes de CISM. Et, ben oui, mon Dieu, j'arrête pas d'en parler de la grande division qu'il y avait dans la foule. Ça va se marquer. Là, c'est le moment que ça se passe. Où on sent que la salle se déserte quelque peu. Oh, mon Dieu, petit traitement minceur dans la densité de la crowd pour Coffin Cats, un trio formé en 2003 au Michigan qui font dans le Psychobilly, le vraiment Psychobilly. Ils ont fait les premières parties de Necromantics, Mad de Meteors et j'en passe. Et oui, ça se voit aussi que c'est les psychobliques qui sont restés dans la salle et moi, les Crosspunk peut-être sont déjà rendus à l'autre spectacle qui était aussi annoncé le même soir. Conflit d'horaire, on veut toute tête partout en même temps. Bien des possibilités. Au début, je pensais que ça allait jouer beaucoup sur l'ambiance. Peut-être que ça a pris aussi un peu de temps avant que ça commence à rentrer dans le mood, parce que encore une fois, le groupe a quelque chose de flamboyant, oui, par le look, mais aussi quelle prouesse ils font, Coffin Cats. Mais déjà, en partant leur instrument, là, parlons-en. La contrebasse, là, c'est comme Pip My Ride des contrebasses. La peinture est rouge avec des paillettes, ça chaîne de partout. Il y a des espèces de bouts de métal qui me rappelaient, tu sais, le manège de Beauce Carnaval, là, le Hot Wheel. Ben, exactement ça, en dessous de sa contrebasse, puis un peu partout, où genre, je sais pas moi, il pourrait se faire accrocher. Il y a de la fioriture, en veux-tu, en v'là. Les autres instruments sont agencés, fait qu'ils sont aussi à paillettes et rouges. De la coquetterie, psychobilly, en veux-tu, en v'là avec Coffin Cats, assez oui. Et surtout, comme je dis, les prouesses, voir un contrebassiste, tu sais, monter sur son instrument, ou quelqu'un qui monte sur la contrebasse, je trouve ça quand même commun, mettons, dans le style. Mais là, je veux dire, le guitariste a pris sa guide pour faire un archet avec la contrebasse. Avec la contrebasse, qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a sauté dessus, il a fait des 360, il a pris en l'air, il a encore tourné en l'air en faisant des 360. Ça, pour de vrai, ça n'arrêtait plus. Je me dis, le mélange psychobilly et cirque, je crois qu'il pourrait avoir beaucoup de possibilités. Ça pourrait être assez intéressant, à exploiter parce qu'on voit déjà que c'est l'air. Ben ouais, excellé avec Coffin Cats. OK, il marche pas dessus puis il fait pas des affaires. Oui, quand même, qui demande une certaine forme physique ou comme une certaine précision, une agilité, mais je suis vraiment curieuse de voir le mélange des deux pour être assez fou. Sinon, ben déjà, en partant dans le spectacle, il y a un fan qui prend la place de toutes les fans. Pas l'espace dans la foule, mais dans l'énergie qu'il a. Il est pas si grand, fait qu'il a comme le genou arqué, genre, pour tenir son pied sur la scène. Puis je dis ça parce que, vraiment, son genou était comme trop haut parce que ça... Il était pas assez grand. Mais il avait envie d'être sur scène. Puis des fois, il montait dessus un peu comme pour se donner un swing, puis redescendre, puis danser. Ah oui, il était dedans. Il était un peu hargneux, c'était comme... tout de suite après, il allait donner un petit bec cute à sa blonde. Fait qu'on voyait qu'il y avait différentes émotions qui se vivaient en même temps. Puis je dis hargneux, à quel point tu vis la colère en écoutant du Psychobilly, mais je crois que c'était tellement un amour féroce pour le groupe. Qui vivait comme vraiment un peu furieusement. Puis je trouve que les petites marches, le petit escalier qui monte vers la scène, montre aussi cet aspect-là. Puis ça aurait été un peu le cas aussi pour Goddamn Gallows, comme ceux qui veulent montrer comme leur ferveur pour le groupe. Ah, monte une marche, dis les paroles, petit point en l'air. Ça accentue, on dirait, le petit genou, le petit escalier. Je croyais qu'avec moins de présence de crosspunk, qu'il allait pas avoir de trash. Je me suis trompée. Il y en aura un. Plus de filles qui dansent quand même que durant Goddamn. Et je trouve ça quand même assez cute que ça danse un peu partout. Le pit, ça va être des petites poussées serrées. Il y a beaucoup de points en l'air aussi, des air points, j'ai envie de dire. Mais dans le pit, je crois que c'est rare que... À quel point, je peux dire, les gens sont dans des états avancés d'alcool. Mais ouais. Quand il y a eu à un moment donné une jolie fille qui avait une très belle robe, puis est tombée dans le pit, déjà trashée en robe, je te trouve merveilleuse. merveilleusement audacieuse, mais tout le monde a eu comme d'une difficulté pour la relever. Tout le monde était comme wouh! C'était comme le navire, il chancelait. Là. C'était comme oui! Mais autrement, c'était très, très cute. Puis on peut voir aussi l'énergie ou peut-être un petit dérapage de durant la soirée. Je pense encore aux fans qui étaient sur le bord de la foule. Sa blonde, des fois, elle le retenait. Il était tellement dedans, genre, qu'elle l'a retenu par le bout de ses culottes, genre. Je disais, wow, quel move! Je sais pas à quel point, tu sais, à leur tenir quelqu'un comme d'une poigne de fond de culotte. Enfin, c'est des petits moves comme ça, ben, qui peuvent pas, tu sais, je peux pas étendre sur toute la foule, mais qui manquent quand même une certaine énergie qu'il y avait dans la crowd. Fait que peut-être moins nombreuse, mais sincèrement, à un moment donné, je le sentais plus qu'il y avait moins de monde par ces gens-là qui étaient très vifs dans leur appréciation de Coffin Cats. Justement, on s'en va en écouter. Oh, un petit peu sur les ondes de CISM. Finalement, on l'aurait écouté tout en long. Coffin Cats avec Border Cold sur les ondes de CISM. Chanson qui se retrouve sur leur album Our Way and the Highway. Mais merci beaucoup, Crowd, d'écouter Critique de Crowd. Je m'appelle Jolene Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Je te remercie beaucoup, Crowd. Mon Dieu, cette semaine, j'ai pas arrêté de tousser. Je vis une vilaine grippe en plein été. Alors, merci d'avoir été toujours d'une écoute aussi incroyable. Merci d'appeler et merci de laisser des beaux commentaires sur le Facebook de Critique de Crowd. C'est toujours agréable de vous lire. Sur ça, on va finir. Encore un peu en thématique musicale. Chaud Ruel avec la chanson La Valse du Nord. Sur ça, gens, on se retrouve la semaine prochaine. Non, peut-être pas avec un spécial grippe, là. On va essayer de trouver une crowd plus sympathique que celle des microbes. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Agitateur de culture propulsé par Desjardins présente Guillaume Pinault. Salut Laval, très heureux de retourner chez vous une deuxième fois pour le rodage de mon premier one-man show. La première fois, c'était complet. Moi, je me dépêcherai à acheter des billets. Puis si vous venez de Montréal, passez pareil, vous restez à 11 minutes de la salle. Manquez pas ça! Ne manque pas Guillaume Pinault le 21 juillet à la Maison des Arts de Laval, située à 450 mètres du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Commotion, agitateur de culture, propulsé par Desjardins, présente Patrick Groulx. Hey, salut tout le monde, c'est Patrick Groulx. Je voulais vous dire que je serai en spectacle de rodage les 27 et 28 juillet à la Maison des Arts de Laval. Alors, si vous voulez vous amuser, venez me voir jouer. Hey boy, t'es pas vendeur, ça. Ne manque pas Patrick Groulx le 27 et 28 juillet à la Maison des Arts de Laval, située à 450 mètres du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Du 19 au 22 juillet, on quitte la ville pour le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. 80 spectacles sur 22 sites différents, performances, surprises, paysages à couper le souffle et produits locaux à seulement 50 minutes de Québec. Le festif présenté par SiriusXM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à l'Auto-Québec, Desjardins et Bell. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca. CISM est fier de s'associer à la 22e édition du Festival international de films Fantasia du 12 juillet au 2 août inclusivement. Découvrez plus de 125 longs-métrages et 220 courts-métrages. Dans le cadre du festival, CISM vous propose notamment la première mondiale de Louder, Can't Hear What You're Singing With, un film culte en devenir et une comédie musicale débridée comme seuls les Japonais peuvent nous en proposer. Et la première mondiale de Montréal Dead End, un film omnibus célébrant notre ville aux 1000 travaux à travers 15 sketchs réalisés par 18 jeunes cinéastes québécois. Pour des détails sur ces films et toute la programmation, visitez le site www.fantasiafestival.com. Billets en vente à l'Université Concordia et sur le réseau Admission. Vous écoutez CISM 89.3 FM. On s'en va écouter un show de radio. Ça s'appelle Roche, papier, ciseaux. Les filles aiment les podcasts, you know. Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise, Elise